comment s'est passée la rencontre? En fait, c'est par l'intermédiaire de notre éditeur, Claude Gendreau, qui, après avoir accepté déjà le scénario de Notre Mère la Guerre, cherchait quelqu'un pour le dessiner. Il m'avait proposé un autre auteur au départ et je ne le sentais pas. Et puis là, il a pensé à Maëlle, dont moi je connaissais Les Rêves de Milton, que j'avais trouvé bien, mais je ne voyais pas encore sur Notre Mère la Guerre. Et à ce moment-là, il a dû en parler à Maëlle, et Maëlle va le dire, et j'ai reçu des pages de L'Encre du Passé qui n'étaient pas encore sorties, loin de là même, mais dont il y avait déjà quelques pages. Et c'est quand j'ai vu les pages de L'Encre du Passé où là, avant même les essais de Maëlle, je me suis dit, oula, bah, lui, avant de le laisser partir tout seul, je veux bien faire un bout de chemin avec lui. Voilà. Ouais, je confirme, ça s'est passé comme ça. C'est Claude Gendreau qui nous a mis en relation. Il a commencé par m'envoyer le scénario de Chris, que j'ai lu, que j'ai bien aimé, et j'avais besoin qu'une rencontre se fasse aussi, qu'il y ait une discussion. Je voulais être rassuré sur une chose, c'était que les directions que je pressentais dans ce scénario étaient celles que Chris voulait explorer avec moi, parce que j'aurais pas fait n'importe quelle histoire sur la Première Guerre mondiale. C'est marrant, parce qu'on est parti un peu du même point, c'est-à-dire que Chris avait une partie de mon travail en main, mais il était pas sûr que ça le fasse sur Notre Mère la Guerre, et moi j'avais une partie de son projet en main, et je voulais être certain qu'on allait avoir envie du même livre. Bon, après, une fois qu'on a été sûr de ça, c'est Pierre qui roule, hein.